7h, 9h, votre réveil matin, c'est Francky. Hola, bon dia la planeta et la familia. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon 1er mai aujourd'hui, lundi 2 mai. Côté météo, c'est plutôt couvert aujourd'hui, mais normalement ça devrait s'améliorer tout au long de la semaine jusqu'à 19 degrés. Ça, c'est la bonne nouvelle. Coucou à Eduarda qui est déjà connecté. Et justement, le bal de la radio, ça, ça vous a plu, vous avez adoré, vous avez kiffé, vous étiez nombreux et nombreuses, merci à vous, merci de votre fidélité. D'ailleurs, si vous voulez réagir, vous m'appelez 02 38 43 48 00, 02 38 43 48 00, et appelez-moi, donnez-moi votre ressenti. Vous avez passé une belle soirée, vous êtes amusé, vous avez fait la fête avec Agatha, avec Capanegra, avec Radio Arc-en-Ciel, et bien 02 38 43 48 00. Bandé à la planète, en direct ce matin, Francky jusqu'à 9h, et un petit clin d'œil à mon ami Philippe Chassanet qui est parti dans les étoiles. Justement, on pense à lui, pigiste, ancien pigiste à la République du Centre. Je voulais lui faire un petit clin d'œil ce matin. Pour toi, mon Fifi. Y'a plein de pages dans le livre, ouais, toute une vie à écrire. Quand tu m'étreins, je suis libre, ouais, le ciel sait ce que je prie. Peu importe le démon, eh, peu importe le mal qu'on se fait, les semaines passent comme des secondes, mais c'est toujours toi que je vois quand mes yeux se refaient. S'il suffisait d'un claquement de doigts pour sceller nos sorts jusqu'à l'éternité, je claquerai des doigts toute la nuit, je chercherai ton garde dans la brume. Pour toi, je suis ton épée et ton bouclier. Je traverserai le monde pour te voir. Je peux réparer ton cœur, je suis outillé. Entre nous, c'est simple, on n'a pas besoin de bague, on n'a pas besoin de grand chose, pas besoin de masque. Je t'aime comme never, t'es la peste. Never, t'es une vie de cauchemar, je vais la changer en rêve. S'il suffisait d'un claquement de doigts pour sceller nos sorts jusqu'à l'éternité. D'un claquement de doigts pour sceller nos sorts jusqu'à l'éternité, je claquerai des doigts toute la nuit, je chercherai ton garde dans la brume jusqu'à la rosée du matin. Oh, ma petite étoile. C'est Francky dans la radio, 7h05 avec Attic, un peu d'étoiles ce matin pour vous réveiller. Le ciel est couvert, hein, je vous le disais, il n'y aura pas d'étoiles ce matin, mais pas de soleil non plus, normalement pas mal de nuages. La météo. Eh ouais, je vous le dis, aujourd'hui le ciel est couvert et grisonnant, les températures au lever du jour 7-8 degrés. On va quand même atteindre les 19 degrés, ça c'est la bonne nouvelle. pas de soleil prévu au programme, des nuages, mais demain et après-demain, le soleil sera de retour. Voilà, de bonnes infos ce matin, 7h05, courage à vous, si vous êtes arrivé du côté d'Orléans, Saint-Privé-Saint-Mémin, ou encore la Chapelle-Saint-Mémin, coucou à José, Eduardo qui est connecté aussi, merci à vous d'être aussi fidèles, nombreux le matin, à nous écouter, nous rejoindre, avec plein de musique, plein les oreilles, ça fait du bien. Stéphanio aussi qui est là, tiens c'est un drôle de prénom ça Stéphanio. Salut mon poteau, belle journée à toi, belle journée mon ami aussi. Bah ouais, on est en direct ce matin, ça me fait vraiment vraiment vraiment plaisir. Rosalia qui arrive, la femme, c'est en direct et c'est sur Radio Français. Donc vous souhaite un très très bon week-end la famille. Ciao. FM, votre fréquence du matin, au boulot, au bahut, on vous réveille. Red One, Mr. Worldwide, Amel Shaki. Habibi, I love you, I need you, Habibi, mon cœur ne bat que pour toi. Habibi, I love you, I need you, Habibi. De ton âme.

Ta radio soleil dès 7h avec Francky. Courage à vous si vous venez d'arriver sur Radio Arc-en-Ciel, 7h20, Alexandra qui est connectée. Et puis bon fin de ramadan à tous, ouais, ceux qui si on fait le ramadan, ben voilà, c'est la fin. Enfin, ça y est, ça va faire du bien un petit peu, on va pouvoir souffler du son qui arrive avec Daddy et Yankee et Dola Dola. 7h, 9h, le matin c'est bien et c'est Francky. Tenía que decir, está dura, dura, dura. que baile. Si no te da nadie, vente pa' mi brazo, caile. Ese perfume se siente en el aire. Algo como Argentina, tú me traes los Buenos Aires. Está poderosa, media escandalosa. Habrá muchas mujeres, pero tú eres otra cosa. Así pero un delito eso de que estás hermosa. Te arresto en mi cama y te pongo las esposas. Tienes el tope, tope, tope. Miren el material, edición especial. Tienes el tope, tope, tope. Perdóname, te lo tenía que decir. Salut Julien qui est connecté du côté de Saint-Privé. Salut mon Juju, belle journée à toi. Ouais, merci d'être là Francky, bah nous aussi merci d'être dans la famille. Ton rayon de soleil dès 7h du matin, c'est Francky sur Radio Arc-en-Ciel. Et vous étiez là, c'est samedi soir au bal de la radio à Saint-Privé, Saint-Mémin. Vous étiez nombreux et nombreuses, venez réagir ce matin au téléphone. Appelez-moi pour me donner vos ressentis du bal de samedi. 02 38 43 48 00 02 38 43 48 00 Jesse Matador qui arrive, mis à manger sur Radio Arc-en-Ciel, belle journée. Eh, hey, c'est bien là, le soleil qui arrive, mais demain, promis, promis. Comme dans un monde qui tourne dans le vide, je décide ce soir de changer ma destinée. Quand tout s'effondre, arrive le signe, cette lueur d'espoir, l'envie de s'élever. Retrouver l'essence de l'envie, redonner un sens à ma vie. Écoutez mon cœur, c'est essentiel, même si rien ne sera plus pareil. Attiser les flammes de la nuit, éloigner le feu de l'ennui. Faisons que nos rêves deviennent réels. Écoutez mon cœur, c'est essentiel, même si rien ne sera plus pareil. Attiser les flammes de la nuit, éloigner le feu de l'ennui, faisons que nos rêves deviennent réels. Son sang. 7h-9h, Francky au réveil sur Radio Arc-en-Ciel. On est là pour vous réveiller ce matin. Coucou à Stéphanie qui est connectée du côté de La Chapelle, Saint-Mémin, qui me dit Francky, merci d'être là ce matin, ça fait du bien un peu de soleil avec Alvaro Solaire. Sophia, bon petit déj à tous, bonne douche et bonne reprise pour ceux qui reprennent aujourd'hui. On est le 2 mai. No te creo, ya no te deseo. Solo te veo, solo te deseo. Mira, Sofía, sin tu mirada sigo, sin tu mirada sigo. Dime, Sofía, ¿cómo te mira? Dime, ¿cómo? Arc-en-Ciel, 7h30, le meilleur de la musique, un titre en 1989 qui restait numéro 1 au top 50 à l'époque pendant 12 semaines. Voici Pacifique, quand tu sers ton corps. revenir des souvenirs. Ça, forcément, ça me rappelle des bons moments à la radio 1989. Ouais, ils sont restés un bon petit moment, les gens. 7h, 9h, votre réveil matin, c'est Francky. Cocorico, j'ai envie de dire. J'espère que vous avez passé un bon 1er mai, que vous avez fait des beaux cadeaux, des beaux muguets. Il y en avait partout sur les routes, hein. On en a pu en trouver à des tarifs un peu chers quand même. Hein. Mais bon, ça a fait plaisir de se faire offrir un petit muguet. Nicole, qui nous écoute, ma petite Nicole. Il y a longtemps que je ne l'ai pas vue, ma petite Nicole. Si tu veux passer à la radio boire un café, Nicole, t'es la bienvenue. Bonjour à tous, si vous arrivez du côté de Radio Arc-en-Ciel, merci à vous d'avoir été aussi nombreux samedi, le bal de la radio. Appelez-moi, tiens, vous voulez réagir. 02 38 43 48 00, c'est le numéro du standard. Coucou à Damien qui est connecté. Salut Francky, belle journée à toi sous le soleil de Radio Arc-en-Ciel. Bah ouais, aujourd'hui le soleil ne sera pas là, mais il devrait revenir toute la semaine, ça c'est la bonne nouvelle. Coucou à Carole aussi qui est connecté. Salut Francky, belle journée, bon réveil. Moi je vais au taf, je commence dans 20 minutes. Voilà, bah voilà, le taf à 8h pour vous, peut-être 9h après pour les prochains, la deuxième vague. Courage à vous si vous êtes sur la tange, ça roule un petit peu, ça y est, ça commence, c'est ce que dit Steph. Ça roule. Kachou, c'est l'artiste qui arrive. Bon courage. Et la famille, il y en a là, les zinzins. Et Bandi à la planète. Dis-moi vraiment ce que t'attends de moi. Tu m'as vu, je t'ai vu, mais quand est-ce qu'on se voit? Je te sers de bouger, tapis dans le noir. Je veux bien essayer à prendre quelque part. Tu aimes te déhancher, ouais tu aimes danser, ça se voit, ça se voit. Tu aimes te déhancher, ouais tu aimes danser, sur ton chemin, tu les ignores, attends toi t'es sans gêne, sans sommation t'envoie dans le coma, et tes victimes se comptent par centaines, pas la peine de tenter de m'assommer, il ne faut jamais dire fontaine, pour l'instant je t'ai pas promis le sommet, je t'ai juste proposé un cocktail et de Panama des KO, allez kata kameno KO, doucement doucement juste au KO, ce soir je ne serai pas ton pao, et de Panama des KO, allez kata kameno KO, doucement doucement juste au KO. Ce soir je ne serai pas ton pao. Tu aimes te déhancher, ouais tu aimes danser, ça se voit. Tu aimes te déhancher, ouais tu aimes danser, got you. T'es seul dans ta chambre et tu twerk. Attends. Baby, I got you. Baby, I got you. Baby, I got you. Hey, got you, got you. Hey, hey, got you, got you. Cachou, c'est comme les petits cachous à l'époque, vous savez, les petites boîtes jaunes, la noire, les petits trucs qu'on prenait quand on fait de la gueule. 7h38, Nicole qui est là, Edouarda qui est là, merci d'être aussi nombreux. Je voulais faire un petit clin d'œil à mon ami Fifi, ancien pigiste à la République du Centre, qui nous a quittés. Je voulais lui faire un petit clin d'œil, un petit hommage ce matin, qui était fan d'Étienne Dao, bleu comme toi. Étienne Dao, c'est pour mon Fifi, mon Zébulon comme il m'appelait. Salut mon poteau. Yeah. Bruxelles en direct ce matin. Heureux d'être là, Francky dans la radio, 7h41. Un peu de rayons sous le sol dès le matin pour vous réveiller, vous emmener à la porte du bureau, ou alors peut-être en vacances encore, si vous êtes de la région parisienne, si vous nous écoutez sur le net et profitez. C'est Lucenzo, Wine Up Baby. What is Lop, 7h43 en direct sur Orléans, Saint-Privé, Saint-Mémin et Saint-Jean-de-Bray. On vous souhaite une belle journée, pas de soleil aujourd'hui, mais la bonne humeur est là. Monsieur Ferriac est avec nous au téléphone, on le prend tout de suite. Hein. Yep. 7h, 9h, votre réveil matin, c'est Francky. Eh ben, yo, il est en vacances, il est déjà levé. Bonjour, monsieur Ferriac. Bonjour. Bandeya. Bandeya. Ça va, tout de bien? Ça va, ça tout de côté. Voilà, bah c'est bien. J'aime bien quand tu parles portugais le matin, même si je comprends pas. Ça me fait plaisir de t'avoir au téléphone. Dis donc, toi, tu travailles pas? T'es déjà réveillé? Bah oui, ça fait longtemps. Hein. Ah ouais, c'est quoi le programme aujourd'hui alors? Un petit balade en vélo. En vélo, comme ça, tout seul? Voilà. Bah oui. Ah, tu vas pas avec la famille, là? Non, non, la famille va à l'école. Ah ouais, bah ouais, ils ont l'école aujourd'hui, les gamins, c'est vrai, moi, je suis con. Oh putain. Oui. Bon, alors, petite balade, combien de kilomètres tu vas faire aujourd'hui, là? Bon, 60, 70. Ah ouais, carrément, 70 km en vélo. Bah, faut pas que tu crèves à 70 km en vélo, sinon t'es mal hein, pour rentrer à pied. Hein. T'inquiète pas. Ah, je m'inquiète pas, pourquoi? Je sais bien que t'es vaillant, monsieur Falaya. C'est quand la reprise du travail? La semaine prochaine? Non, fin du mois. Fin du mois? Oh, bah ça va, t'es peinard. C'est peinard. Bon, bah bonne balade en vélo en forêt alors. Hein. Ok, merci. Salut, monsieur Falaya, bonne journée. Allez, salut. Au revoir. Ciao. Et vous aussi, vous pouvez m'appeler 02 38 43 48 00, c'est le numéro du standard. Si vous voulez me parler du bal de la radio samedi, tiens, vous y étiez, vous avez fait la fête avec Capalégra, avec Agatha sur scène, et bien appelez-moi 02 38 43 48 00, c'est le numéro du standard avec le smile, la bonne humeur, on est là. Malgré que le soleil ne soit pas présent, on vous l'amène. Le rayon de sol tous les matins, 7h09. Voici Amine et je vous lève. Yeah. Je sais même pas s'il est encore là, lui, là. Il chante encore, Amine. La traversée du désert, des fois, pour lui. En tout cas, belle journée à vous. Pas le désert, mais la ville d'Orléans, qui est un petit peu bouchée du côté des quais. Bah ouais, tout ça klaxonne. Toy, que vous adorez sur Radio Arc-en-Ciel. Courage à vous, si vous venez d'arriver. Salut, Nicole. Et une pensée pour mon pote Philippe Chastanier. Voilà, je voulais lui faire un gros clin d'œil ce matin. Não há nada melhor depois de pesadelo poder acordar. Vou beijar, vou dançar, vou até me cansar toda a noite, toda a noite. Vou beijar, vou dançar, vou até me cansar toda a noite, toda a noite. Se estás cansada, se ainda te sentes apaixonada, toda a gente sabe, é uma verdade. Coração que ama não tem idade, por isso vem, dá-me bem, feliz é o que a gente tem a fluir. Vai sentir o calor no corpo a subir e esta noite. Vou dançar, vou até me cansar toda a noite, toda a noite. Vou beijar, vou dançar, vou até me cansar toda a noite, toda a noite. Oh, oh. Não tenhas vergonha e sai sozinha. Esta noite tu vais ser a rainha. Põe um salto alto e um sorriso. É desse teu jeito que eu preciso. Por isso vem, sabe bem, formigueiro que a gente tem a fluir. Vai sentir o calor no corpo a subir esta noite. Vou dançar, vou até me cansar toda a noite, toda a noite. Vou beijar, vou dançar, vou até me cansar toda a noite, toda a noite. Tu pões no Face aquelas fotos que tu tiras em figuras muito giras e partilhas as maravilhas, porque afinal és como eu e o limite é mesmo o céu. Fazer o quê? Vou beijar, vou dançar, vou até me cansar toda a noite, toda a noite. Vou beijar, vou dançar, vou até me cansar toda a noite, toda a noite. Toy sur la croiselle, bah oui, ça y est, j'ai la moustache, hein. Je suis devenu portugais aujourd'hui. Belle journée, courage à vous si vous voulez aller à Orléans. 9h, votre réveil matin, c'est tranquille. Bah oui, on vous réveille tous les matins, Joël qui est là. Salut mon Jojo, salut Olivier. Ah, je vous souhaite une très très bonne journée. On vous souhaite une très très bonne matinée. Vous qui venez d'arriver du côté de Saint-Privé, Saint-Mémin. On aura la présidente de la radio tout à l'heure au téléphone à 8h10 pour nous parler de ce bel événement de samedi soir. C'était le bal de la radio, vous étiez nombreux et nombreuses. Elle arrive, la dernière joue du disco. Eh ouais, eh, en tout cas la dernière heure est arrivée, c'était pour Régine. La reine de la nuit nous a quittés. C'est elle un peu qui a inventé les discothèques, a créé l'ambiance sur Paris, qui a fait plein de belles choses. La grande Zoa est partie par la grande porte. Voilà, toutes nos condoléances à sa famille. Et puis c'est vrai qu'elle a fait beaucoup, beaucoup pour la jet set de Paris. Et ça fait du bien au moral. En tout cas, ça fait du bien pour les discothèques. La dernière jour du disco, c'est Juliette Armanet, c'est sur la Arc-en-Ciel. Le tout dernier jasmin, ne me lâche pas la main, c'est la fin. Le soleil au lointain s'écroule seul dans son coin. Juliette Armanet, dernier jour du disco. Bah justement, le disco il arrive sur la piste, sur le dance floor du boulot ce matin. Une bonne fête à tous les Boris, ah, le Boris des années 90, soirée disco. On l'aura peut-être au téléphone avant 9h, je lui aurai un petit texto, voir si s'il se réveille. Oliver Chetam, le meilleur de la musique, Get Down, Saturday Night. Sur un appel, courage à vous si vous arrivez du côté d'Orléans, ça privé, ça m'émane, vous êtes en voiture, vous allez au boulot ce matin avec la musique à fond, à gueule, veste, à bain, avec voulez-vous, bonne fête de fin de Ramadan à tous les musulmans qui sont là aujourd'hui à l'écoute de Radio Arc-en-Ciel. Ça y est, c'est fini. Ah, Lincenzo qui arrive, Don Omar, Vendassa, Kuduro, incontournable le matin. Le rayon de soleil ne sera pas là aujourd'hui, on vous en parle justement. Le ciel est couvert, mais il va venir, promis, dans la semaine. La météo. La météo pour aujourd'hui, le ciel est très très nuageux. Pas de rayon de soleil pour le moment prévu par Météo France. Pas de pluie non plus, les températures plutôt pas mal, jusqu'à 19-20 degrés aujourd'hui. Par contre, la bonne nouvelle, c'est que toute la semaine, le soleil devrait faire son apparition sur Orléans, Pithiviers, Saint-Jean-de-Bray ou encore Fleury, les Aubrais. Clic, clic. Pan-pan. Ben ouais, on adore. Yanns à la radio, c'est votre titre préféré le matin. Bon réveil, bon courage à vous si vous allez au taf. C'était moi, je joue, oublier le passé, oublier le passé.

avec ça, on a envie de rouler sur la tangentielle, là, les cheveux au vent. Jojo, Master Jake, heureux d'être avec vous, c'est Francky, jusqu'à 9h avec du son caliente. Le poteau, Willy William, qui est de retour avec ce carton, trompetta. Bon courage à vous du côté de Saran, si vous venez d'arriver. Il y a Leslie qui est à Saran. Salut Leslie, belle journée à toi. Sur Radio Concel, c'est ce titre là qu'il vous faut le matin pour vous emmener au boulot. Si vous n'avez pas beaucoup dormi cette nuit, ça va pas vous mettre la patate, je peux vous le dire en direct. Le bal, c'était samedi à Saint-Privé, Saint-Mémin, et qui de mieux pour nous en parler, la présidente de la radio, on l'accueille tout de suite. Radio Arc-en-Ciel, l'invité du jour, c'est maintenant. Eh oui, samedi soir, c'était le feu du côté de Saint-Privé, Saint-Mémin. Christine, la présidente de la radio, qui est avec nous au téléphone. Bonjour Christine. Bonjour Francky. Ça va la forme? Ça va, ça va. Bien remis de cette grosse soirée de samedi soir, le bal de la radio à Saint-Privé, Saint-Mémin. On l'attendait tellement que c'est vrai qu'on a quelques heures de sommeil en moins ce matin pour aller travailler, mais c'était un pur bonheur. Donc, ça y est, on l'a déjà oublié, c'est reparti, mais c'est... ça faisait du bien de retrouver les gens, ça faisait du bien de pouvoir se réunir tous à nouveau, c'était ouais. Extra. C'est vrai que ça fait quoi, presque 2 ans d'absence, hein, quasiment, de balles. Non, bah non, on avait essayé en novembre déjà, mais ouais. c'était un essai, mais très avec la peur au ventre, parce que c'était le pass sanitaire. Ouais, c'est ça, ouais. C'était pas encore celui qu'il fallait faire. Donc là, il y avait là, plus... par contre, c'était bien. Agatha, ça va, elle a assuré. Capanegra aussi, on a assuré. Tout le monde a mis le feu samedi soir à Saint-Privé. Bah, Agatha, c'est vrai que bon, pour la communauté portugaise qui la connaît très bien, c'est vrai que c'est une chanteuse, voilà quoi, qui c'est un timbre de la musique portugaise. C'est quelqu'un qui est très connu et renommé. Et elle a fait un show exceptionnel et c'était extra. Bah les Capa, c'est vrai que c'est des gens les habitués maintenant, Capa Negra. C'est les enfants de la radio, on va dire un petit peu. Ouais. Et ils nous ont fait quelque chose d'extraordinaire aussi. Non, c'était très très bien. Et moi de mon côté, je tiens surtout à remercier. Eh ben les bénévoles, parce qu'effectivement, ouais. Faut pas oublier que nous sommes une radio associative et c'est grâce aux bénévoles, c'est grâce à l'aide des sponsors, de tout ce petit monde, de nos animateurs aussi, faut pas oublier. Et c'est beaucoup de boulot pour une soirée, effectivement, mais c'est grâce à la volonté, à la spécialité de chacun, au bon vouloir de chacun qu'on arrive à faire tout ça. Et c'était extra. En tout cas, une soirée réussie. Si tu veux passer un petit message à tous nos amis portugais, en portugais sur Orléans et les alentours, qui les écoutent sur le net aussi, ça serait quoi? Quel message en portugais? Ouais. Muito obrigada, comunidade portuguesa, mas não se esqueçam que se nós podemos continuar a fazer e organizar estas festas, é graças a vocês. Então tornem-se sócios da nossa rádio que nós conseguimos. Et ben voilà. Muito obrigada a todos e merci, Francky. Eh ben merci, et puis ben justement Agatha, on va l'écouter avec un titre qu'elle a sûrement chanté avec en duo avec Danito, c'est Tabonito, je le dis bien, Tabonito. Est-ce que tu sais ce que c'est Tabonito? Non, ça veut dire quoi? Je sais pas, justement je passe des titres. Bah, je te la dédie. Ah bah je vais regarder sur Google Traduction alors. Merci Christine de nous avoir consacré ces quelques musiques. Écoute-moi, ouais. Écoute-moi deux secondes. Je te la dédie et je la dédie à tous les auditeurs et à tous les animateurs. Et je dis tout simplement ta bonito. Et bah voilà, et bah ta bonito. Merci Christine. Salut, ok, merci. Salut, bonne journée. Agatha, l'été samedi avec la radio Arc-en-Ciel, voici ta bonito. Hoje eu vou ao baile do amor. O meu santo me mandou pra encontrar o meu par. E tudo que o meu santinho diz dá sempre um final feliz. Desta vez não vai falhar. Mas quando cheguei à multidão tinha tanta animação e o moreno não o vi. Ou já está noutros braços a bailar. E então pensei para mim: tá bonito, este baile tá bonito. Mas não vejo o morenito. Onde será que ele está? Tá bonito, este baile tá bonito. Todo mundo olha rendido. Como é que o vou encontrar? Dançar, dançar entre a multidão. O teu corpo colado, mão dele na cintura. Passito, passito, baby, eu não resisto à doçura. E o coração já faz bumbum. Já fico louco, já fico maluco. E esse morenito já não te sai da cabeça. Tu és o amor, só tu tens tudo que eu precisa. Bonito, bonito, oh. Agatha qui était sur scène samedi soir au bal de la radio. Grosse soirée, c'est ce que nous dit Nicole aussi, bénévole à la radio, qui a tout donné jusqu'à 5h du matin. Bah dis donc Nicole, t'es couché tard. T'as bonito, tout le monde est beau, tout le monde est beau. Voilà, c'est un peu ce que ça veut dire. Enfin, vous êtes belle, vous êtes beau, tout le monde est gentil aujourd'hui. 8h21, on les adore. Michael Steven avec Caméléon. Quand l'Espagne rencontre le Portugal, eh bien, ça donne ça. Belle journée et bon réveil du côté d'Orléans, Saint-Privé, Saint-Mémin ou encore La Chapelle. Heureux d'être avec vous, c'est Francky jusqu'à 9h. Eu fico logo perdido a sonhar. Adoro quando me tocas, bailas sem parar. Eu fico louco e digo, vem me amar. Adoro cuando me miras, sentiste bailar. Adoro cuando me tocas, dulce acariciar. No imagino un momento lejos de tu amor. Llevo este fuego por dentro, me quemo yo. Contigo quiero picar, sentir tu cuerpo en el mío. Contigo quiero vibrar, por eso ven que soy tuyo. Spagnolo Portugal, bon dia la planète. Heureux d'être avec vous, c'est Francky dans la radio. On vous souhaite une très très bonne journée. 8h24 minutes. L'horoscope qui arrive, alors que vous soyez bélier, scorpion ou alors éléphant, eh bien votre signe est peut-être bon ce matin. L'horoscope, c'est maintenant. L'horoscope, on démarre ce matin avec les béliers. Votre vie affective évolue. En couple, l'heure est à la complicité. Les taureaux, vous risquez de vivre dans un monde imaginaire et le retour à la réalité va arriver très très vite. Les gémeaux, votre manque de diplomatie suscitera des conflits ce matin. Les cancers, personne ne restera indifférent à votre pouvoir de séduction et vous n'aurez besoin de beaucoup d'efforts pour parvenir à vos fins. L'horoscope pour les lions, c'est l'amitié qui aura une place importante aujourd'hui. Et oui, l'amitié, c'est super important, les lions, les vierges. Vous n'êtes pas à l'abri d'un coup de foudre ce matin, peut-être à la machine à café, au bureau. Eh ouais, peut-être. Les balances, vous avez l'impression que la situation vous échappe et cela vous rend nerveux. Les scorpions, votre entourage familial ne se montrera pas compréhensif aujourd'hui. Les sagittaires, la journée s'annonce sereine. Important pour vous, une décision va arriver en fin de matinée. Les capricornes, votre pouvoir de séduction sera à votre apogée ce matin. Les verseaux, vous manquerez d'enthousiasme et ne croirez en rien aujourd'hui. Et les poissons, vous vous sentirez en parfaite harmonie avec votre partenaire. Super important l'harmonie avec le partenaire. Belle journée, bon réveil sur Radio Arc-en-Ciel. Céline Dion qui arrive et vous l'adorez sur Radio Arc-en-Ciel. Et nous aussi, qui a annulé sa tournée pour 2023. Mal à la peau, un petit peu malade. I'm Alive, vous adorez, c'est sur Radio Arc-en-Ciel. Courage à vous pour le taf ce matin en direct. I can't wait to fly. I feel that I'm.

me dis que Latino, toute la bande à Somariba et mon poteau Saint-Ange, extrait de l'album Fiesta Loca, le collectif métissé, plein de douceur pour vous ce matin. Vous qui venez d'arriver du côté d'Orléans, Saint-Privé, Olivet, eh ouais, ça rend aussi. On vous souhaite un bon réveil, une belle journée, 8h40 avec la bande originale du film 51 degrés, vous connaissez par cœur. Voici Love Me Like You Do, Ellie Goulding. Belle journée et bon courage pour le taf ce matin. Why do you- Ça rappelle les bons moments, ça, le 51 degrés avec Ellie Goulding, la version Kizomba, Love Me Like You Do, 8h45 minutes, la météo pour aujourd'hui, c'est plutôt pas mal et je peux vous dire que cette semaine ça va être bien même. La météo. La météo pour ce lundi, le temps est couvert, nuageux, quelques rayons de soleil mais très timides, mais toute la semaine il va faire beau. Aujourd'hui on va monter jusqu'à 19 voire 20 degrés, c'est la bonne nouvelle, et jusqu'à dimanche prochain le beau temps va s'installer avec des nuages bien sûr, mais le soleil sera bien là. Le meilleur de la musique avec le créateur du zouk sur la planète, il nous a quitté il y a un an, voici Jacob Desvarieux et la bande Kassav, Zouk là, c'est le médicament Nouni. Radio Bruxelles en direct ce matin, je suis heureux de vous retrouver, Francky, jusqu'à 9h. 7h, 9h, votre réveil matin, c'est Francky. Eh ouais, c'est pas facile de se réveiller tous les matins, mais en tout cas, il vient de se réveiller, il est arrivé dans les studios. Jean-Pierre, vers matin, l'émission qui va démarrer dans 9 minutes, et je suis timé. Bonjour Jean-Pierre. Bonjour. Ça va bien? Bien et toi Francky? Pleine forme aujourd'hui. Il y a du soleil, en plus il va faire beau toute la semaine. Il y a du soleil, des nanas, dans la nana. Ah ouais. Tu te rappelles de cette chanson là? Ah oui. Plus la nana et Moulkawa, dans la nana, ouais. Alors moi j'oubliais Moulkawa, c'était... Ouais, c'était, c'était le truc du Club Med, ça, les géocultures. Oh là là, on a fait des choses là-dessus. Bon, en plein, le week-end, ça a été le 1er mai. Eh ben écoute, nickel. T'as bossé? Alors, bosser, oui, comme tous ceux qui sont dans le secteur de l'activité de la nuit. La nuit, la restauration, les bars, une nuit très très courte, parce que le lendemain, on était sur une radio à Chalette qui était vachement bien, super. Ouais, ouais. Chalette, sympa, ouais. Ça, ouais. 2 CL. Ouais, CL, ouais, je connais CL2, le nom. Ouais, voilà. Sympa, Chalette, une belle ville, ça, Chalette. Voilà, et puis une radio locale super sympa, bien accueillie. En général, les radios locales, on est tous gentils. Comme c'est nous. Ça. Ah, voilà. Exactement. Bon, on a formé des trucs à vendre ce matin, des bagnoles, non? Non, certainement des offres d'emploi. Ouais. Ah, y a un carrossier qui cherche des carrossiers. Ouais, c'est vrai? Ouais, tu peux le passer l'annonce et je te donnerai les coordonnées. Il n'y a pas de souci. C'est super urgent, c'est à Olivet. Si ça vous intéresse d'être carrossier, pourquoi pas. Ils peuvent même former de nouveaux carrossiers parce que c'est pas facile ce métier. Non, à trouver. C'est dur, hein, putain. C'est surtout qu'il y a beaucoup d'offres d'emploi et. Personne ne veut travailler. Voilà, exactement. Depuis le Covid, c'est ça. C'est un problème, là. C'est ça. Depuis les confinements, c'est ça. Alors à tous les feignants de la radio, ceux qui veulent bosser. Salaud. Non, je rigole. Non, mais c'est vrai, faut être honnête. Il y en a qui veulent bosser. Bon, après, il faut être honnête. Il y en a, tu fais la comparaison chômage, du boulot, tu fais la balance. Il fait beau, tu restes chez toi. Voilà. Aujourd'hui, ça va. Mais par contre, toute la semaine, il va faire à peu près beau. Hein, quelques nuages, mais ça va être une semaine sympatoche. Vous savez, en plus, ça va être le début de mois, ça va être la paye. Donc, c'est ça. Voilà, vous allez pouvoir tout claquer. Bon, vers matin, les disques à la demande, comme exactement. Tous les jours. Vous appelez au standard 0238 43 48 00 et vous demandez quasiment tous les titres, t'as tout. Ah, tout. Hein, de toute façon, maintenant on a tout ici. Exactement. Quand je vois la bibliothèque, quand je tourne la tête derrière dans la petite salle là, il y a de quoi choisir. Il faut une échelle pour échanger les CD là. Dès que tu vas dans le coffre-fort, c'est bon. Ah, c'est le coffre, hein, c'est le coffre de la radio. Hein. Bon, vers matin ça démarre. Donc retrouvez Jean-Pierre dans moins de 5 minutes. Belle journée Jean-Pierre. Merci toi aussi mon Francky. Sous le soleil de la radio avec le meilleur de la musique. Ah, on a dansé là, tu te rappelles de ça? Ah oui. Ah putain la vache, ça va pas nous rajeunir. Hein. Ah, mais ça, il faudrait faire une émission que des années 80. Ah, j'aimerais bien, moi je vais en faire une. Un matin. Ah ouais, un matin, je vous promets. Hein. Salut Jean-Pierre. Salut. Début de soirée, la nuit, la vie, la nuit et une folie. Y a pas de saison pour que vive la musique au fond. Pas de saison pour que vive le son. En marchant, tu donnes une cadence à tes pas. Tu sens la musique au bout de tes doigts. Tu dis que la vie que t'attendais est faite pour ça. Depuis que on a trouvé des décibels dans ton shaker.